regarder la mer. Sur mon scooter, je désespère. T'as trop regardé le ciel, qui n'avait pas de sexe à peine. T'as trop regardé sur l'heure, après l'heure, c'est pas l'heure. Fallait pas copier sur moi, les vacances, c'est pas ça. Enfermé dans un vieux cargo, en voiture pour Rio, tous les coups sont permis. Les virages, on ne va pas s'échouer sur la plage.